le téléphone sonne. Alors, dans ces situations-là, moi, je fais ni une ni deux. Je réponds. Mais là, moi, c'est pas mon cellulaire non, c'est pas lui. Je voulais moi parce que je sais que j'allais vous dire soit un XM. Pardon? Ben oui. C'est en plein ça. C'est ici qu'on fait le CME. C'est ici qu'on fait les vies. Alors, c'est le téléphone sonne, mais c'était pas mon cellulaire. C'était. On appelle ça. Veux-tu qu'on recommence, Gaëtan? On peut. C'est du dire. Directement ça. Directement au cœur. Aïe, aïe, ça fait mal. Ouais, c'est le téléphone fixe qui m'appelle. Ça m'arrive, moi, que le téléphone m'appelle. Je dis, je réponds. Je dis, hello. Puis là, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien de l'autre côté. C'est-à-dire, à l'autre bout du fil. Ben, moi, je peux voir ce qui se passe à l'autre bout du fil. Je suis un des rares. Parce que, tu sais, j'ai fait une commotion cérébrale. Puis depuis que j'ai fait une commotion cérébrale, je suis connecté même devant ceux qui s'imaginent que tout est coupé. Je suis là. Je suis là sans être là. Tu me vois pas, mais je suis à côté de toi. Hein? Ils s'en posent tous des affaires depuis ce temps-là, hein? C'est pour ça que tu sens que c'est comme ça, c'est à cause de moi. On voulait pas te le dire, pour pas t'affoler, pour pas que t'appelles les médias, la police, c'est moi. Alors, le téléphone sonne, je réponds. Hein? Pas un son. Et tu voyons donc, raccrocher, c'est une horreur. Mais il y avait, je pouvais pas dire ça, j'entendais rien. Puis là, je me suis dit, oh non, c'est encore un vendeur. Parce que je dois avoir le téléphone, un seul numéro de téléphone qui rejoint tous les vendeurs. Vendeur de tout, là. Vendeur de nettoyeur, des gens qui nettoient des tapis, qui tondent la pelouse, qui font, qui veulent. Et ça, c'est leur mission, là. Je les sens, là, comme des soldats devant une guerre, là. Ils veulent protéger mon gazon. Il y en a un, là, qui dit, monsieur! Et voici, oui, j'ai quelque chose à vous offrir et vous ne pouvez pas refuser. Et je ne peux pas refuser. Vous ne pouvez pas refuser. Comment ça? Et c'est une offre exceptionnelle. Oh, une offre, j'ai pas d'argent. Non, je parle pas d'argent. Hein? Vous parlez pas d'argent. Pas d'argent. Je sais que vous avez un beau gazon. OK. Un beau gazon. Oui, vous avez un beau gazon, un beau gazon. Mais il y a des tâches que l'on appelle des tâches de brûlure, monsieur. Connaissez-vous ça, le gazon? Non, parce que j'habite dans un appartement. Mais voyons, il n'y a pas de gazon sur votre galerie? Oui. J'ai placé un gazon synthétique. On dirait du vrai gazon. Le soir, là, je le coupe avec des ciseaux. Je m'enroule un m'enfumeur. On dirait du vrai gazon. C'est merveilleux. Oui, là, quand je l'ai vu au magasin, là, j'ai dit au vendeur, avez-vous plusieurs longueurs de gazon? Il me regarde, il dit non. Je dis, mais voyons donc, il y a juste du rat le sol. C'est vrai que la mode au le poil, là, on n'en parle plus parce que ça n'existe plus. J'ai-tu hâte que ça revienne, ça? C'est comme les modes. Il y a une dame qui disait à la télévision. Soyez heureux, la couleur revient. Hein? Elle est partie depuis combien de temps? Moi, je m'en suis pas rendu compte. Là. S'il y a de la couleur qui est partie sur mon mur, là, m'a appelé Claude Poirier, puis il va faire son enquête. On va le trouver, le trotté qui m'a enlevé. Comment ça que la couleur est revenue? Elle est jamais partie! Ah, ben là, la styliste, elle me dit, Monsieur Gagné, vous savez, il y a des tendances. T'as bien une tendance, toi! T'as-tu vu la face? Y a de la gouache qui s'est infiltrée dans ta porte de dans tes portes de peau, toi, là! Ça fait peur à voir! T'es-tu un clown ou une styliste? On vous connaissait pas la mode, M. Grenier? Ouais, non, je connais pas la mode, je veux pas connaître non plus. Si ça te ressemble, wow! J'ai peur! Regarde, je grelotte la garlotte. T'as-tu fait ça, là? Hey, la couleur revient, c'est jamais parti! Ça partira jamais! C'est comme ma femme, ça! Quand tu dis oui, ça colle là! T'ouvres les portes, ça veut pas sortir! T'ouvres les fenêtres, ça veut pas partir! Tu sais, au début, là, je l'appelais mon oisillon. Mais en ouvrant la fenêtre, elle va s'envoler, même pas! Elle est plus capable de voler, voyons donc! On dirait une cigogne, mais encore une cigogne, c'est genre une autruche! Une autruche, ça n'a jamais volé, ça me semble, d'après moi! Avez-vous déjà vu voler des autruches? Si oui, vous êtes préhistorique en Saint-Simonac d'Amérique du Nord britannique, là! Ça va être des cacatèses. On sait c'est quoi des cacatèses, des perroquets? On met des noms longs pour nous faire peur. Pourquoi on réduit pas autant l'esprit humain? Tu sais, les gens sont plantés devant... excusez-moi. Les gens sont plantés devant... Non, deuxième prise. Les gens sont plantés de leur... T'es en train de faire une commotion cérébrale. Les gens sont plantés devant leur télévision. Il le dit. Hey, c'est dur à lire tes textes. Pas des textes improvisés, mon crétin. Tu peux au monde que c'était... Sinon, c'est désastreux, là. Tu fais peur aux trois quarts de la population. Mais heureusement, on est à cette heure-ci de la nuit parce qu'il y a personne qui nous écoute. Sinon, là, ce serait la folie furieuse le lendemain matin des journaux, là. Quoi qu'en balado-diffusion, dans l'autobus, tu sais, si t'es dans le show business, c'est l'autobus du show business, tu peux être intéressé là, à connaître ce qui va se passer. Là. L'intérêt, si vous ne le saviez pas, mademoiselle, de cette émission, c'est de sauter du coq à l'âne. Mais là, le téléphone a sonné. J'ai répondu encore pour le silencieux, là, au bout du fil. Ou la silencieuse, ça doit être une silencieuse, celle-là, là. Parce qu'un silencieux, c'est impossible. Un gars silencieux, c'est soit que... Il y a un petit haut de cœur. Ou il y a dedans, il va se décrocher directement dans le... Tu vas entendre quelque chose. Mais une fille, là, ça peut émettre aucun bruit. Ou peut-être des... Ça, c'est quand elle est triste un peu, là. Elle se lève le matin. Elle trouve plus son rouge à lèvres. Et ça commence mal, là. En plus, c'est un lundi où elle l'a mis, son rouge à lèvres. Elle n'est pas sortable de même, là. Elle trouve plus son peigne. Elle ne peut pas faire... Non, elle est bloquée chez elle. Elle est enfermée. Pas de rouge à lèvres, pas de peigne. Qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie? Elle va se suicider, là. Elle va se suicider, faut que j'appelle. Fait que c'est moi qui appelle. Je pouvais pas appeler, le gars était sa ligne. Il bloquait ma ligne. J'ai débloqué. Monsieur, on sait, vous êtes pas une femme, là. Quoique, non, c'est ça. Vous êtes une femme, parce que si vous êtes. Non, j'ai perdu le train en marche, mais je cours plus vite que lui. Écoutez bien. Ça fait que. Non, je sais que vous êtes une femme, parce qu'un homme, là, ça va. Ouais, bon, ça fait des bruits disgracieux. Ça n'a pas été élevé pour le silence. Tu sais, la femme, là, ça, c'est là comme ça. Ça peut vivre 20 ans sans dire un mot. Faut pas la contrarier. C'est un beau diapason sans son. Non, il n'y a pas de sonorité qui sort de là. C'est beau pour ça. Elle a compris l'adage. Sois belle et tais-toi. Mais le pire, c'est que quand tu regardes tout ça, là, vous allez me dire que c'est relatif. Vous avez entièrement raison. Parce que moi, point de vue beauté, je ne connais pas trop ça. Je suis né laid, j'ai grandi laid, puis je vais mourir laid. Mais pour une femme, il y a des expressions qui ont collé à la peau. Même si Lise Payette, c'est presque... Tu es avec le féminisme et elle a eu raison, je l'adore cette femme-là. Il y en a plein de féministes comme ça en France, il y en a au Népal, en Afrique. Puis il y a une expression. Bon, vous allez me dire, mon Reynald, je crois que c'est un tantinet. Un tantinet sexiste. Je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est pas parce que je le dis que je suis un sexiste. Bon. Tu sais, la dame qui parle pas, la fille qui parle pas, c'est parce qu'elle se réfère à cette expression-là. Sois belle et tais-toi. Aujourd'hui, le lundi 28 octobre 2019, monte le volume et hume la différence car c'est parti, mon kiki, enfin, c'est stéréo! enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Alors, moi, je suis certain que je fais partie d'une liste de vendeurs ou de vendeuses qui m'appellent continuellement. Pourquoi? Parce que je suis sympathique. On va appeler M. Grenier, c'est un homme sympathique. Il fait de la radio à ses courriels, lui. De un, je suis pas tout le jour sympathique. De deux, effectivement, je fais de la radio à CKRL, le 89.1 à Québec. Et ça me fait grand plaisir, puisque c'est vraiment ma raison de vivre. Je ne vais pas vous faire pleurer. Mais là, quand la dame m'appelle, et souvent me réveille, parce que moi, j'ai un horaire, madame, approchez-vous. Moi, vous avez des affaires, là, entre vous et moi. Là, je me suis acheté un nouveau micro, puis ça sent tellement bon quand je m'approche le nez dessus, là. Ça sent la salive de vedette. Et ça sent bon, la salive de... Ça dépend, moi, je demanderai à tous les gens qui utilisent un Shure SM58 de manger quelque chose de très, très, très bourgeois, de très extravagant, qui quand même risque de m'élever la conscience et surtout le propos à un degré intellectuel jamais présenté depuis le début de l'émission que j'effectue. Point. Deux. Trois fois depuis. Depuis... J'ai un chanteur à vous proposer comme d'habitude. Non, j'ai voulu modifier quelque chose pour me donner une autre raison de me déséquilibrer, pas juste intellectuellement. Moi, c'est fait depuis deux semaines après ma naissance. Moi, j'ai été déséquilibré. C'est parce que ma maman m'a échappé. M'a vous expliquer ce qui s'est... Oui, avant de la chanson. La chanson, elle va chanter, là. Faites-vous-en pas. La chanson va chanter. Je l'ai payé, elle va chanter. Ça chante pas, là. Je brûle le CD ici, puis je brûle. Je m'en vais chercher le gars, le chanteur, puis je lui dis, « Comment ça, ton disque n'a pas commencé? » L'acheter ton disque, moi, là, légalement. Je suis monté là-bas. J'ai pris l'avion. Passé aux douanes. Ça me surprend, je sais pas pourquoi. Je suis allé te voir. Je t'ai donné l'argent. Tu m'as donné le CD. Je suis reparti. Je suis retourné à Québec. J'ai repassé aux douanes, je sais pas pourquoi. Et je me suis rendu ici devant ma platine et j'ai dit, joue, toi. Joue et joue. Alors, il va jouer. Après, j'ai terminé de dire quelque chose, je ne me souviens même plus. Tout demande un effort, rien ne se fait sans boulot. C'est une règle d'or, rien ne tombe d'en haut. Pour arriver au port, faut ramer comme un veau. Pour être matador, faut un foutu culot. Pour gagner son bifteck, faut aller au charbon. Pour pas être un blanc-bec, faut du poil au menton. Pour aller à menton, mieux vaut prendre l'avion. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. C'est après des années d'intense réflexion que j'en suis arrivé à cette conclusion. Y'a pas d'effet sans cause, pas de fumée sans feu. Au monde y'a qu'une chose qui vienne seule, c'est curieux. Pour aimer les poulets, faut de la perversion. Pour voir des navets, faut la télévision. Pour qu'on l'appelle tonton, faudrait que ma tante en ait. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. Pour entendre des promesses, il faut des élections. Pour que je montre mes fesses, faut du monde au balcon. Pour être bas de plafond, faut avoir un plafond. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. La connerie étant un mal très répandu, les cerveaux, les savants se sont penchés dessus. Un rapport tout récent, Caramba, a conclu Y a pas de traitement, pas de vaccin non plus. Tout le monde grenouille, des baleines aux fourmis. Et ça bouffe et ça grouille, et ça pèse et ça crie. Depuis les deux andouilles, depuis le paradis. Sac de nœuds, sac d'embrouille, y a plus rien de gratuit. Pour être promoteur, faut piquer du pognon. Pour faire passer des heures, bien sous mon édredon. Pour pas rester glandeur, faut jouer du piston. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. Pour acheter des fraises, ça n'est pas la saison. Pour que ta femme se taise, faudrait une éruption. Pour la main de ma sœur, passez à la maison. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. Je reviens encore sur cet emmerdement profond qu'on me fait depuis presque 2-3 ans. On m'appelle pour rien. Puis là, le téléphone fixe, là, c'est pas le mien. C'est quand je suis au deuxième étage. Parce que moi, j'habite au premier. Il y a un deuxième étage. Troisième étage, ben c'est le Père Noël. C'est un endroit pour le Père Noël. Il y a la cheminée. Il peut descendre. Puis là, quand il arrive en bas de la cheminée, ben là, il cherche parce qu'on l'a bloqué à la cheminée. Elle n'existe plus à la cheminée. On l'a non, parce que les assurances nous ont dit si tu ne bloques pas ça, ben, ça va te coûter la peau des fesses. Parce que là, je me suis informé. J'allais voir mon médecin. J'ai dit docteur! Comment ça coûte ça, la peau des fesses? Comment t'évalues ça? Parce que tu sais, il y a une expression, ça va te coûter la peau des fesses. Comment ça coûte la peau des fesses? Là, il m'a regardé. D'un air assez violent, quoi. Il me dit, Monsieur Grenier, regardez votre dossier, mais monsieur, c'est pas Grenier, mais c'est Gagné. En tout cas, Grenier, Gagné, monsieur. Vous arrivez de la salle d'attente? Effectivement, j'arrive de la salle d'attente. Vos revues là sont vraiment étranges. Hein? Il y a des feuilles de parti. Tous les mots croisés sont faits. Les 7 erreurs aussi. Vous devriez renouveler vos revues et je vous conseille fortement dans la salle d'attente de diffuser ces CKRL parce que là, la musique qui nous joue là, ça nous rend malade. Ça nous rend malade et puis je sais que vous êtes là pour ça, vous. La pharmacie est en bas, vous, hein? Moi, je reste en bas. Je reste pas dans la pharmacie. J'aimerais ça parce que... Non, mais j'ai... Non, je veux dire pourquoi. Les gouttes, moi, j'ai des problèmes oculaires, moi. C'est pas parce que je suis trop souvent assis, c'est parce que j'ai mal aux yeux. Donc, pas assez. Repose tes yeux. Hein, il commence à m'aimer ma femme. Repose-toi les yeux. Ben oui, mais repose-toi les yeux. Va-t'en. Présente-moi ta fille, là, je vais m'adoucir, le canet. Il a dit, hey, toi, là, attends un peu, elle vient d'avoir 22 ans. Ben, c'est ça. Ça repose l'œil. 22 nuages, là, ça descend le tympan. Moi, j'ai des tympans au niveau oculaire. Ben oui, je suis seul là-dedans. Dans mon monde, il n'y en a pas tant que... Non, mais il y en avait avant, mais ils se sont fait enfermer par les tiquilogues, les tiquillards et puis tous les tis. Moi, je dis même que les ch'tis sont mêlés là-dedans. Ils ont tellement rien à faire là-bas parce qu'il pleut tout le temps. En Chimini, là, dans le nord de la France, là, monsieur. Ça me fait penser un peu à Terre-Neuve. C'est pas sur rien à Terre-Neuve. Avez-vous vu un documentaire de crime qui s'est passé, hein? Il y a rien. Les tueurs en série restent pas là. Les massacreurs de carottes vont pas là. Bugs Bunny a jamais voulu. Hey, on lui a demandé. Parce que là, on sentait que son émission était en déclin. Et puis, va à Terre-Neuve, va filmer. Il y a des beaux terreaux, il y a des poireaux, il y a ma soeur, il y a tout le monde est là, là. Tu vas avoir du plaisir. Puis, il y a des lapines là, qui attendent juste son bunker. Ils attendent le Bugs Bunny. Ils me l'ont dit. S'il vient pas, là, on va aller le voir. Si t'arrives avec toutes les lapines de là-bas, de Terre-Neuve, tu n'as pas sorti du bois, toi, là. Pas sorti. En plus, Terre-Neuve, des lapins de Terre-Neuve, là, les lapines de Terre-Neuve. Ça n'a pas la boussole bien solide, ça, là. Tu dis bonjour à une lapine, hein? Je sais même pas si. Je capture des ondes, moi, là, je suis branché sur une télé. Mais non! T'es dans la faune, là, tu t'amuses, là, tu cours, pis t'es rigolote, là, on aime ça, on prend des photos. Les enfants veulent te prendre en photo, là. Pis j'aimerais bien ça, être avec toi sur le cliché. Le cliché! Terre-Neuve, connais pas ça, le cliché, toi? T'es un cliché, toi aussi, Terre-Neuve, voyons dedans! Connais pas. Bugs Bunny, là, ils viendront pas de moi, c'était pas sympathique. Les Français ont compris ça. Il y avait plus personne en France avant. Puis là, il y a un Français, là, qui s'est réveillé un matin, dit, oh, je vais tenter d'être sympathique, là. Parce que mon hôtel n'est pas rempli. J'ai des problèmes à payer les factures. Et ma femme, une Québécoise, professionnel dans la poutine. Aïe, donc, elle me fait manger de la poutine, cette dame, elle me fait manger de la poutine. Si je passais pas des quais, il n'y aura pas personne. Donc, je pourrais pas placer du fromage sur mes frites. Et de la sauce, comme on dit chez vous, de la sauce. De la sauce. Il y en a, ils connaissent pas leur réplique, mais on s'excuse, là. Ils sont pas membres de CKRL. Tous les. Ben ouais, les gardes l'autre arrivent, là. Ben, c'est ça. De la sauce, hein? Pas compliqué. C'est marron. Donc, on dit pas ça à Québec, marron. On dit de la sauce brune! Je venais de faire un disque très beau avec des chansons à pleurer. Je vais me pointer dans une radio des fois que ça leur plairait. Je m'adresse à celui qui fait la liste de ce que l'auditeur doit aimer. Tu repères tout de suite le spécialiste, Catogan Parasé. Il me dit quel talent, quelles idées, t'as de la chance de faire ce métier. C'est sûr que ma femme va craquer quand elle va t'écouter. Mais pour mes émissions, pas de bol, tu retardes mon vieux, y'a trop de paroles. Tout le monde chante en ricain maintenant, tiens même les Suisses allemands. Je sais pas si je me plante ou si j'ai raison. Des fois j'ai l'impression qu'on prend pour un con. Pour faire un spectacle très gai, j'avais besoin d'un peu de pognon. Je m'en vais trouver la déléguée, la culture de mon canton. Elle me dit, j'adore ce que vous faites, un jour vous aurez votre statut. Mais vous allez rire, c'est trop bête, de l'argent, il n'y en a plus. Si vous saviez ce que ça coûte cher, le classique, la danse, l'opéra, enfin tout ce qui est art populaire, vous n'en reviendriez pas. Donc si vous pouviez patienter 20 ou 30 ans, ça m'arrangerait. Mais continuez, ne lâchez pas, vous êtes précieux pour moi. Je sais pas si je me plante ou si j'ai raison. Des fois j'ai l'impression qu'on prend pour un con. Dans un théâtre, je prends rendez-vous avec monsieur le directeur. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais vite, je n'ai qu'un quart d'heure. Ben voilà, j'aimerais bien chanter, c'est admirable. Je réponds de lapin. Vous savez, Brel, Brassens, Ferré, je les connaissais très bien. Le grelot se met à sonner avant qu'il me déballe ses souvenirs. Il le raccroche 2 heures après, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, nous parlions de la chanson, vous écrivez de pure merveille. Mais je n'en fais qu'une fois par saison, je viens d'engager Dutheil. Je sais pas si je me plante ou si j'ai raison. Des fois j'ai l'impression qu'on prend pour un con. Pour que ma carrière s'arrête pas là, je me dis je vais frapper chez les riches. Ils aiment les artistes ces gens-là, ils me paieront 2 affiches. Mon cher ami, me dit le banquier, quand pourriez-vous me rembourser? Mais monsieur, dès que j'aurai du succès, il se met à rigoler. Je ne reverrai pas un copec et vous perdriez mon amitié. Je lui dis ton amitié, pauvre mec, j'en ai rien à branler. Mais par contre, poursuit ce connard, le jour où vous aurez 3 sous, je peux les placer, revenez me voir. Allez, bonjour chez vous, je sais pas si je me plante ou si j'ai raison. Des fois j'ai l'impression qu'on prend pour un con. Alors je me suis dit, si je disparais, personne ne va pleurer ma perte. Il me restait plus qu'à crever, ce que je fais la gueule ouverte. Au moment de plonger dans le trou noir, comme j'aimais bien l'herbe, les feuilles et les oiseaux, je jette un regard en dehors du cercueil. Les ordures, ils étaient tous là, tous les faux culs, les cultureux, la banque, la radio, les médias, et tous les larmes aux yeux. Pâmé devant 3 chanteurs ringards qui massacraient un de mes couplets, tandis que plus loin, un type blafard encaissait les cachets. Et si vous tenez à ce qui vous sert de rouston, je leur ai dit juste avant de partir pour de bon. J'avais intérêt à m'enterrer profond. Et c'est tout ce qu'il y a comme morale à cette chanson. Je Je lâche pas le morceau. Depuis qu'on m'appelle à des heures impromptues pour moi, parce que je sais pour la population en général, 9h30, 10h du matin, tout le monde est debout, ils sont au travail. Moi, je me couche à 4h30, 5h du matin. Je me lève vers 13, 14h. Je m'en vais travailler à 15h. Je finis à 23. Je fais des émissions de radio. Après ça, je place ça dans mon ordi. J'envoie ça à CQRL, à toutes les stations de radio dont je fais des émissions. Et puis, je me couche tard. Je me couche tard parce que je vois pas l'heure passer. Et j'arrive à 23h15 en été. En hiver, c'est plus tard parce que je prends l'autobus. Mais pendant la saison, il n'y a pas de neige. Moi, je prends mon scooter électrique. Vous savez ça, vous connaissez mon scooter électrique. J'en parle depuis tellement, depuis que j'en ai un. Là. En fait, j'en ai eu deux. Le premier a passé au feu. Le deuxième tient le coup. Des freins à disque après ça. Et monsieur, je me suis mis plein de chanteurs qui m'intéressent, là. Sarclo, monsieur Bauer, qu'on vient d'entendre. Bauer. Et puis, ça me plaît. Ça me rend heureux. Puis, je me dis que je peux rouler. Mais là, arrêtez de m'appeler si vous êtes un vendeur. Tu sais, on sait pas. On sait. Mais j'ai un doute, moi. Qui m'appelle? C'est pas un Québécois. Ça vient d'outre-mer. Peut-être même d'outre-temps. Parce que, avant de faire mon émission, là, il y a quelques minutes, j'étais en train de discuter avec, bien sûr, mon groupe qui prépare avec moi Errance Renadienne. Donc, on est une quinzaine. Hein, on discute. On se met un peu, tu sais, dans le jus, dans le diapason. Tu sais, on se place dans là. On se met dedans, là. On parle, puis on mange pas avant. On mange jamais avant de faire l'émission. On mange pas pendant l'émission. On mange après. Vous êtes fort. On mange après l'émission. Ah, aussi, je tiens à vous dire qu'on ne boit pas avant l'émission. On ne boit pas pendant l'émission. Puis on ne boit pas après l'émission. On est sec. On n'a pas une maudite scène. On est cloué par l'imbécilité urbaine qui nous sèche les larmes et nous coule le cœur. Et puis, c'est beau, hein? Qui nous sèche les larmes et nous coule le cœur. Ça vient d'être dit, là. Tu sais, c'est de la poésie. Moi, je suis un poète. Je donne autant de poésie qu'une chantepleure peut vous offrir de l'eau. Parce qu'à l'époque, on appelait ça une chantepleure. Saviez-vous pourquoi? Ah ouais, je sais, je l'ai déjà raconté, mais il y a tellement longtemps, puis vous n'étiez pas à l'écoute. Parce que les chantepleurs, ici, c'est champlure. Hey, ouvre donc la champlure, là! Mais le véritable nom, parce que là, on l'a comme malaxé, comme bien des mots, on les tourne, on les retourne, on les maltraite, on les étire, on les remet, on les regarde, on discute. Mais oh, ça dépend aussi des accents. Champlure, c'est chantepleure. Lorsqu'on ouvre l'oreillette pour faire évacuer l'eau, il y a comme un petit... Avec le temps, là, comme disait Lou Ferré. Avec le temps, va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça a une de ses gueules, dans la galerie Charfouille, dans les rayons de la mort. Là, le problème dans les rayons de la mort, c'est que dans tous les cimetières, il y a un rayon de la mort. Ben, c'est presque, c'est un paysage de la mort. Il y a des gens le dimanche, ils ne savent pas quoi faire, ils s'en vont au cimetière. Ils connaissent personne, là. Ils aiment ça. Ça me ressource. Je me sens tellement plus calme. C'est zen. Ben ouais, c'est des morts! Ils sont ensemble, ça n'existe même plus. Ils sont partis. Ils sont partis, ils sont là. Ils sont pas partis. Ils sont là. Le corps est là. Ça doit être plaisant. Ça, hey, au Père Lachaise, il y a plusieurs années, en 89... Ben, on avait. Est-ce que c'est 80? En tout cas, pendant. Il y a eu le film d'Oliver Stone. Oliver Stone, The Doors. Je ne vais pas mettre ma langue sur le micro, c'est un nouveau micro. Parce que ça fait de la corrosion. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, The Doors. pendant le film d'Ottawa, les gens allaient se placer à côté du tombeau de l'épitaphe, qui est très timide, de Jim Morrison. Puis après le film, ben, ils ont décidé de mettre un agent de sécurité. Mais là, ça doit terminer, là, avec le temps. Avec le temps. Mais, qu'est-ce que je voulais dire, là, ben là, Jim Morrison. Les gens s'en vont là. Ben, c'est à peu près ça. Non. J'avais quelque chose. Il y avait encore un peu de jus, là. Attendez, ben là, je disais que je ne voulais pas vendre. Là, fait que le jus, on ne peut pas vendre de jus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Petite chanson avant de présenter mon invité, mais ça ferait-tu plaisir à Mme Thibodeau? Deux petites chansons! Mais! Père Lachaise, les gens vont... Ah oui, c'est ça, les gens... Ah oui, c'est moi aussi. Ah oui, ça vient de rentrer. Il y a eu comme un orage violent au niveau de ma cervicale. Mais... Mais puis ça a donné des belles images, là, puis c'est pour ça que je vous les relate maintenant. C'est que nous sommes allés en 89 ou 90, 91, en tout cas dans ces eaux-là, se recueillir, on va dire recueillir, hein, dans la version classique, on dit allons nous recueillir devant la dépouille. Dépouille. C'est un mot dégueu, dépouille. Il y a pouille dedans, dépouille. Pouille. Même je préfère le corps que des pouilles. Chérie, je suis prêt, j'ai des pouilles. Mes pouilles sont prêtes, là. Hein? Elles sont enrichies de vitamine C. Des pouilles. En tout cas. Et puis, on a voulu déjeuner, nous, à l'emplacement de Jim Morrison. Puis là, il y a un agent de sécurité qui nous a arrêté, qui dit, écoutez, là, c'est pas un pique-nique ici, là. Hein? C'est un endroit où il y a des... Ben, hein? Là, ça a peut-être changé, là. Dans quelques mois, là, je vais peut-être amener 2-3 hamburgers, là, m'en manger ça au Père Lachaise. Voir si ça... Avez-vous changé votre version des faits, monsieur le Père Lachaise? Le Père Lachaise, lui, il est gêné, lui. Il est gêné, puis c'est un genre de vampire. Il se cache dans son tombeau, puis quand tu dis Père Lachaise, il l'ouvre. Tu vois le visage. Hé, monsieur! Marilyn Manson, c'est une beauté fatale, hein? Là, tu parles au Père Lachaise, tu dis, hey, père, écoute bien, mon père, là. Les années ont passé. Quand dit années passent, là, modification aussi de la culture, de l'éthique. Connaissez-vous ça, l'éthique, mon Père Lachaise? Et là, je sentais qu'il perdait la chaise, là, hein? Il allait être encore, ben, j'ai dit, peux-tu mourir deux fois, toi, là, mon malade? Alors, on se tutoyait, là, je sentais qu'il nous quittait, là, il y avait l'œil, déjà là, l'œil rouge. Il virait au blanc, il redevenait humain. Je disais, hey, vous, là, restez mort, laissez ça mort, je veux pas vous reveniez sur Terre, dire, c'est Rénal Gagné qui m'a réveillé, me voici maintenant, et je suis le Père Lachaise, il va faire des émissions de télé, il va faire de l'argent sur mon dos, parce que c'est moi qui l'ai réveillé et qui l'a révélé. Je révèle tout le monde des gens que je vais endormir, moi. C'est comme ça ma vie, depuis le début. Il faut vraiment aimer la mort pour faire un truc aussi minable et se haïr soi-même d'abord avec un cœur pas fréquentable. Tu verras ta gueule dans la glace quand t'auras pu tirer ton coup. Tu seras plus que le salaud d'en face, elle te sourira plus du tout. Y'a 20% des types en tôle qu'on ramassait pour un coup de bite. Pas baiser du tout, c'est pas drôle, mais les baisers doux, ça se mérite. Tu bousilles ta vie et la sienne et tu vomis sur vos enfances pour graisser ta saucisse de Vienne en prenant ça pour une vengeance. Tu veux faire croire que tu bandes alors que t'es triste à mourir. Tu peux faire ça seul ou en bande, t'es juste à l'envers du désir. Y'a 20% des types en tôle qu'on ramassait pour un coup de bite. Pas baiser du tout c'est pas drôle, mais les baisers doux ça se mérite. Tu penses que si elle est vivante, elle est simplement pas pour toi. Tu penses que si elle est confiante, c'est trop gland pour ta mauvaise foi. Et pour toi, si elle est dehors, c'est qu'elle est sûrement pas dommage. Ça veut dire qu'une gonzesse en or, pour toi, c'est une gonzesse en cage. Y'a 20% de types en tôle qu'on ramassait pour un coup de bite. Pas baiser du tout, c'est pas drôle, mais les baisers doux, ça se mérite. Celui qui ferait ça à ta sœur, tu lui ferais simplement la peau. Alors le jugement, sa rigueur, et c'est pas juste un coup de pas de peau. Tu feras le con pour être au mitard, parce que les gars dans ta cellule, ils auront pas beaucoup d'égards. Pour tes fesses et ton matricule, y'a 20% des types en tôle qu'on ramassait pour un coup de bite. Pas baiser du tout, c'est pas drôle, mais les baisers doux, ça se mérite. Faut vraiment aimer la mort pour faire un truc aussi minable. Et se haïr soi-même d'abord, avec un cœur pas fréquentable. Il faut vraiment aimer la mort pour faire un truc aussi minable. Quand une gonzesse est pas d'accord, prends ta main, c'est plus confortable. Détour de la rue, au rivage aveugle. voudrais pas changer encore de gîte. Ne désespérons pas, j'apprendrai bien les rites. On s'habitue à tout. T'as rien, je suis à vous. J'fais un genre, j'fais un genre humain. J'fais un genre, j'fais un genre humain. J'fais un genre, j'fais un genre, j'fais un genre humain. J'fais un genre, j'fais un genre humain. J'fais un genre, j'fais un genre, j'fais un genre humain. J'fais un genre, j'fais un genre humain. J'fais un genre. J'fais un genre, j'fais un genre humain. J'fais un genre. Oh, ils sont notes. Aujourd'hui, le lundi 28 octobre 2019, pardon? Oui. Non, mais si j'ai le temps, là. Mais je suis pas certain. On verra bien. Non, mais t'en fais pas. Oui, alors, non, parce que j'ai parlé à Sarclos pendant que Brigitte Fontaine me chantait Genre humain. Puis, malheureusement, je lui ai appris que sa dernière chanson ne pouvait pas être diffusée puisqu'il manquait de temps. Et là, il est en beau. Vous êtes... Sarclos! Oui! Oui! Non! OK, mais je peux annoncer mon invité parce qu'en ce 28 octobre 2019, l'errance, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Je peux... Tu veux... T'es comme Jean Lapointe, tu veux l'entendre, ta chanson? Entends-la, ta chanson! Ah non, vraiment, faudrait faire quelque chose, se disait-il en lisant son journal. Non mais c'est vrai, vous trouvez ça normal, ajouta-t-il d'un ton morose. Ah, que le monde est mal fichu, mais il n'a jamais rien foutu. Il voyait des nichons partout, ah. Il voyait des nichons partout. Non mais c'est vrai, le vieux monde est pourri, et l'argent est trop cher. À 10%, comment faire une affaire, tu parles d'une cochonnerie. Ah, que le monde est mal fichu, mais il n'a jamais rien foutu. Il voyait des nichons partout. Ah, il voyait des nichons partout. Ah, disait-il en tapant sur la table, je peux plus finir mes saucisses. Je ne saurais souffrir tant d'injustice, c'est vraiment trop épouvantable. Ah, que le monde est mal fichu, mais il n'a jamais rien foutu. Il voyait des nichons partout. Ah, il voyait des nichons partout. Putain, dit-il écoutant son moteur, un bruit de passe-légumes. Ma vieille R12 va nous faire un gros rhume si je mets pas d'huile tout à l'heure. Mais il n'a jamais rien fichu et son vieux moteur a fondu. Il voyait des nichons partout. Ah, il voyait des nichons partout. Vous allez dire ce type est un sans-cœur, monstre d'indifférence. Comment peut-il assumer nos souffrances et laisser couler son moteur? Si le monde est si mal fichu, c'est qu'il n'a jamais rien foutu. Si son vieux moteur est foutu, c'est qu'il n'a jamais rien fichu. Mais il y avait des nichons partout. Mais il y avait des nichons partout. C'est vrai ça, il y avait des nichons partout. Ah, il y avait des nichons partout. Voilà, ça clôt. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, je vous présente. Et puis, en parlant de nichons, il y a Rimbaud qui disait qu'il préférait les femmes. Oui, Rimbaud disait, je préfère les... Il y a eu un silence de... Oui, un silence de servitude. C'est pas ça que ça... OK. En tout cas, Rimbaud disait... qui préférait les petits seins puisqu'il était plus près du cœur. Bon. Oh là, j'entends les filles. Oh, c'est beau! mais Rimbaud était homosexuel. Alors, là, ce que je veux vous dire... Oui, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Ça, c'est ça doute le beau-frère de Sarclos. Aujourd'hui, oui, merci. Oui, merci, merci. Oui, OK, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, coupez-y la... Merci, merci. OK, ça me fait plaisir. Bon, il faut satisfaire... Non, moi, j'aime ça satisfaire tout le monde. Oups, il a passé un cheveu. Aujourd'hui, le lundi 28 octobre 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous pour la dernière fois, unissons-nous autour de mon ami, j'espère pour lui aussi, mon grand ami Pierre Fa, trilogie, la dernière. Alors, 100% Pierre, à partir de maintenant. Voici l'artiste. Tu connais ce conifère, ses bords de fil, son gris léger. Passager banquette arrière dans son royaume de pluie tombée. Rue du Général Leclerc, des moments mal aimés. Ah tiens, voilà, tu l'as passé. Quelques panneaux à l'envers, sur la rocade, sur le gravier. Pâli par sur France Inter, des pavillons atténués. Atténués des cars scolaires, rue du silence mouillé. De parasol qu'on peut rentrer. Trait de brume et coton fer, lotissement bien goudronné. Balançoire en plein hiver pour les enfants de février. Il n'y a pas grand chose à faire, mais ça fera pousser des labyrinthes, des rêves liés. Tu connais ce conifère, c'est dans la Seine, c'est vers Poitiers. Quelque part dans l'univers, dans le cosmos, la vérité. Et là, maintenant, les deux nouveaux qu'on fait, le monde a changé, ça y est. Tous les labels qui nous sortaient des CD à cette époque-là, soit ils ont fermé, soit ils font plus que du digital. Donc, tu vois, c'était pas juste une vue de l'esprit, non. C'était une réalité, ouais. et on s'est faufilé un peu, tu vois, sur les derniers feux, quoi, tu vois, sur un côté fin de règne, comme ça, d'une certaine industrie. Et maintenant, on le fait d'une autre manière. Est-ce que tu te rappelles ma chanson préférée de Peppermoon? Non. Pour l'instant. Ah, mais je suis content, je l'aime bien, celle-là. C'est sublime. Merci. C'est sublime. C'est une chanson que je diffuse régulièrement et je trouve sincèrement que c'est une chanson du dimanche. Écoute, tant mieux. Selon moi. On s'accapare souvent la musique. Ah, mais super, moi j'adore. Ouais, ouais. J'ai fait une version anglaise de cette chanson pour l'anecdote, okay. Qu'on n'a pas encore enregistrée parce que... Et ça s'appelle comment? Ah, bonne. Alors là, tiens, ça m'échappe. OK. Stopping Time. OK. Arrêter le temps. Oui. Et c'est proche sur la thématique, simplement, bon, c'est la rythmique d'autres mots, donc évidemment c'est pas... Mais la mélodie est la même. Bien sûr, oui, on pourrait... Mais bon, pour l'instant, l'accent anglais et d'Iris ou de moi-même, ça ne convient pas. Okay. Mais il y a une version anglaise qui existe, une amie, Erika Boitner, une amie américaine, auteure de chansons, m'a validé. Donc je sais qu'il n'y a pas de faute, que c'est correct. Oui, oui, oui. Et peut-être même par certains passages, pas mal. Bon, voilà, espérons. Est-ce qu'elle veut la chanter ? Erika, non, parce que Erika, elle est auteure-compositeur, elle a son propre monde, et ce serait une pièce rapportée. Okay. Mais elle m'a dit, oui, voilà, là, c'est bien, tu peux présenter ça à des gens, ça ne prête pas à sourire. Bon, voilà, pas dans le sens ironique, quoi. Non, sourire, on peut dire, ouais, mais... Donc, je sais que, voilà, j'ai ça un jour, celle-là. Et puis, j'aimerais bien faire une version en brésilien aussi, parce que c'est la musique a une vague petite influence bossa. Et si un jour, je trouve quelqu'un qui écrit en portugais du Brésil d'une manière... qui s'est approprié. Poétique. Ouais. Ben, je lui passerai volontiers. Est-ce que ton écriture, on va laisser la musique, parce que l'écriture, c'est ce qui est aussi très important sur une chanson. Est-ce que l'écriture a changé? As-tu modifié certains aspects de tes mots pour faire des chansons peut-être autrement? C'est-à-dire que, je vais être plus clair, est-ce que tu sens... une différence entre le début jusqu'à maintenant dans ta plume, dans ton écriture, dans ton style narratif? Ben, la différence, c'est que il y a un certain nombre de chansons qui sont déjà sorties et que j'espère, j'ai envie de ne pas me répéter. Alors, ça oblige à creuser un petit peu et à se surprendre soi-même. Donc, il y a des fois un vocabulaire, des mots que j'aurais peut-être pas employé en 2009. Et que maintenant j'intègre avec plaisir. Mais la chanson dont je parlais tout à l'heure, Et les gouttes sur la vitre, est un bon exemple de ça. Ou Domino, c'est une chanson d'EOP que je suis assez fier au niveau. C'est une musique d'un copain de lycée et qui en a toujours plus ou moins fait de la musique en pointillé, Joël. Et il m'a envoyé cette musique et vraiment, Domino, je ne l'aurais pas forcément fait moi tout seul, mais c'est de sa musique qui m'a envoyé là. Et j'ai trouvé ça, comment dire, je me suis dit, ah tiens, ça c'est un truc que j'aurais pas fait même il y a 5 ans sûrement. Donc oui, et ça c'est le travail, c'est-à-dire, c'est pas parce que, c'est pas de me lever à 8 heures et de me mettre devant le bureau, c'est pas ça, c'est pas le travail dans ce sens-là. Mais c'est le travail dans le sens de ne pas arrêter, ne pas être, ne pas casser le rythme de la création. Parce que, en fait, plus tu écris, peut-être mieux tu écris. C'est-à-dire, et c'est pareil avec le chant, hein, c'est-à-dire plus tu chantes, mieux tu chantes. C'est une gymnastique aussi. C'est ça. Et si tu arrêtes pendant longtemps, après, quand tu reprends, il y a un côté un peu rouillé. Donc, le fait d'être sur un fil continu, pas forcément en se mettant des pressions ridicules, ou tu vois, mais d'être sur un fil continu de création, oui, il y a un bénéfice dans l'exploration, dans la nouveauté, où fatalement, un jour ou l'autre, tu ouvres une porte que tu n'avais pas ouverte avant. Mais c'est vrai que ça devient compliqué de ne pas se répéter après 10 albums. Ah oui, avec Clément Pépin-Monde et... Bah ouais, ouais, tu vois, là, ça va faire ça, ça va faire 10. Et j'en reviens pas moi-même d'ailleurs quand je dis ça, ça me paraît bizarre, mais c'est vrai. je vais pas, si c'est vrai, je vais pas dire le contraire non plus, c'est ça. Mais c'est intéressant ça, c'est intéressant, c'est un petit challenge en soi. Est-ce que tu connais le groupe Radio Elvis? Oui, bien sûr. Et puis, ce que j'en pense? Oui. Oh, des textes intéressants, un certain charisme. Moi j'ai pas été fan, j'ai pas été émoustillé comme ça, mais je comprends que ça ait de l'écho, que ça ait de la résonance, oui, je pense que c'est des gens intéressants. Ils sont dans la trentaine. Ouais, oui. Je suis beaucoup plus jeune qu'eux, évidemment. Ah ben oui, ben mais nous, quand j'aurai 18 ans, et quand j'aurai passé mon bac et oui. mon permis de conduire, oui. peut-être je pourrais me hisser à leur hauteur. Peut-être, effectivement. Mais c'est peut-être aussi un succès éphémère, on ne sait pas. On ne sait jamais, ça c'est vrai avec tout le monde. Hein, c'est leur deuxième album. Non, parmi des gens que j'ai bien aimé. Il y a des chansons vraiment qui m'ont plu ou voire marqué, etc. Bon, bah, Cléa Vincent, il y a vraiment eu des petites chansons pop qui, mine de rien, comme ça, sans prétention, étaient super bien faites. Moi, je trouve que je m'y attendais pas, c'est vraiment une chanson fabuleuse, avec des accords, une suite d'accords que j'aime bien, une ligne de basse que j'aime bien, une façon de couper les notes, comme ça, un truc que j'aime bien. J'ai trouvé que La Grenade de Clara Luciani, je comprenais vraiment que ce soit un succès, parce que quand j'ai entendu cette chanson, je me disais, ah ben voilà, ça c'est vraiment un tube. Ça faisait longtemps, tu vois, que j'avais pas eu cette sensation de me dire, voilà, ça c'est une chanson qui va passer partout à la radio, et puis qui dit quelque chose quand même sur la liberté de la femme, tout ça, donc qui n'est pas un combat d'arrière-garde, hein, qui continue à être d'actualité. Bon. Donc, je sais pas, je trouve qu'il y a Edith Préteau, moi, c'est pas un langage, c'est pas un truc qui me parle intimement, mais quand on le voit arriver, on se dit, ah bah oui, voilà un personnage fort, voilà quelqu'un qui a son vocabulaire, qui balance quelque chose, qui va pas laisser indifférent, quoi. Sur ton pied. Attends. Ouais, ok. Donc il y a un certain nombre de gens, là, comme ça. Et ils ne viennent pas tous à l'esprit maintenant, mais je trouve qu'il y a une jolie scène pour les gens qui arrivent à se faufiler, à arriver sur un label qui a des moyens, comme c'est le cas de Clara Luciani et Edith Préteau, par exemple, hein, parce qu'ils étaient sur un petit label, mais ce petit label, en fait, il fait partie d'Universal Music, accessoirement, donc avec les moyens quand même derrière. Eh bien, je trouve tant mieux pour eux, c'est bien joué, je suis content pour eux, parce que là, ça me paraît vraiment être des belles signatures. Voilà, mais c'est pas les seuls. Il y a une fille que j'aime bien qui s'appelle Anne Silla, qui je trouve a une voix intéressante parce qu'elle est, c'est une voix qui est potentiellement puissante avec ce côté comme ça, mais qu'elle contrôle vachement bien, qu'elle maîtrise vachement bien. Et des fois, elle effleure simplement, non pas parce qu'elle n'est pas capable du reste, mais vraiment par choix et avec une belle qualité d'émotion. Voilà, c'est après, bon, chez tous ces artistes, évidemment, il y a des chansons que j'aime plus ou moins. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde, hein, y compris pour des génies, des fois. Donc, tout le monde n'est pas égal. Mais il y a des gens intéressants, plein de gens intéressants. Est-ce que tu suis les gens que tu as aidés à un moment donné, comme Lafayette, comme ces gens-là? Est-ce que tu... Mais j'adore Thierry. Oui. Simplement, Thierry ne fait pas actuellement grand-chose, là, tout de suite, maintenant. Non. Mais, ou alors il écrit et on ne le sait pas encore, sûrement. Cœur bancal, avec trop plein d'émotions, je fais toujours attention, je suis quand même inégal. Au final, je me dis, j'ai l'impression d'avoir dans mon addition bien plus de bien que de mal. C'est pas si mal. Les moments donnés, les allées sans retour. Les moments donnés resteront toujours la lumière d'une matinée, la voix des beaux jours. Et tu seras pardonné par amour. C'est normal, j'ai eu tort, j'ai eu raison, et je cherche ma direction comme un châtelet léal. L'idéal est pavé de bonnes intentions qui me parlent de perfection. Je m'en remets aux étoiles philosophales. Les moments donnés, les allées sans retour. Les moments donnés resteront toujours. Il y aura cette vérité et plus rien autour. Tu seras pardonné. Les moments donnés, les allées sans retour. les moments donnés resteront toujours et sans une arrière-pensée comme au premier jour. Tu seras pardonné. Les moments donnés. Les moments donnés. Il y aura cette vérité et plus rien autour. Tu seras pardonné. Moi, je suis un peu. Je fais beaucoup de choses comme ça, je suis très productif, mais c'est, tout le monde n'a pas le même rythme. Peut-être que Thierry Lafayette, il va arriver demain avec un album génial, et voilà, il va tous nous scotcher. Je sais pas, moi. Est-ce que tu tiens au courant de tes amis musiciens, chanteurs que tu as épaulés, que tu as... Bah, écoute, peut-être que j'en oublie parce que j'en ai croisé beaucoup quand même, un certain nombre. Ouais. Alors il y en a sûrement des alors, fois que... Alors il n'y a pas de suivi, tu les rencontres, c'est un flux de rencontres et si ça se répète, tant mieux. Mais tu fais rien dans ça pour aller vérifier qu'est-ce qu'ils sont devenus... Je tiens pas des fiches Bristol chacun. Et puis il y a des choses aussi, il y a des choix où je peux avoir plus ou moins envie de suivre. Et c'est leur liberté et c'est très bien. Et réciproquement. Réciproquement. Il faut dire aussi que à faire ce trajet-là de recherche, ben tu peux plus te concentrer sur tes œuvres, tu peux plus. Non, mais c'est même pas ça. C'est pour moi, c'est pas antinomique. Il n'y a pas d'un côté ce que j'ai envie de faire moi, et puis les autres qui seraient une chose envahissante. C'est pas ça. Je le vois pas comme ça. Je le vois comme un échange d'énergie qui sert à tout le monde, mais aux deux côtés. Non, mais il y a des. Par exemple, tu vois, Elsa, que j'adore, avec qui j'ai absolument aucun problème sur le plan humain, c'est une fille vraiment. On a une grande, grande complicité. Bon, ben, elle sait, je lui ai dit, voilà, elle a sorti des choses récemment où moi j'étais moins en phase. Mais peu importe. Vraiment peu importe. Ça, c'est pas une ombre entre nous. Et comment tu lui annonces le fait que tu n'as pas vraiment apprécié ce que. Mais avec une grande simplicité. Parce que ça ne va pas changer sa vie, ça ne va pas changer le monde. Elle a le droit de faire absolument tout ce qu'elle veut. C'est pas un jugement. Simplement, si on me demande mon avis, bah oui, je vais être honnête. Et ça veut pas dire, ça veut même pas dire, c'est pas un jugement de valeur. Non, ça non, veut non. pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Ça veut dire que moi, je suis moins réceptif à ce genre de musique. Donc ça, oui, je peux le dire honnêtement, sans que ça la dévalorise en aucune manière. Je suis moins réceptif. Et c'est comme ça. Mais par contre, je le soutiens à 1000% le fait qu'elle le fasse. Ouais. Voilà. On peut pas plaire à tout le monde ici. Oui, et puis on peut pas faire l'économie de toutes les étapes par lesquelles on a passé. Moi, c'est vrai pour moi-même aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses où je me dis, bah oui, si les gens aiment moins cette proposition-là, bah, tout va bien. Mais en tout cas, je sais que j'avais besoin de le faire. Ouais, parce que pour toi, tu étais rendu là. Oui, il fallait que je passe par là et que je le fasse et c'est tout. Donc je peux comprendre que des gens me trouvent que certaines chansons de Paper Moon sont peut-être trop sucrées à leur goût, etc. Bon, ok, moi j'ai pas de problème. Je peux comprendre que des gens trouvent que il faudrait plus de vraies batteries ou il faudrait plus de... Je sais pas, enfin tout est valable. Mais je défends mon truc. Si je l'ai fait, c'est parce que c'est ce que je pensais juste à ce moment-là. Et c'est pareil avec Elsa, c'est pareil avec, avec tout le monde. C'est pareil avec, quels autres exemples je pourrais trouver. Mais, et puis il ne faut pas que ce soit figé, ça aurait pas de sens. Il ne faut pas non plus faire toujours la même chose parce qu'on se répète, puis Voilà. Moi, j'aime beaucoup Elsa. Dans son registre, dans un registre qui mélange l'acoustique et l'électronique. Et c'est vrai, quand elle va 100% électronique, c'est pas là où je la préfère. Bon, mais vraiment, je lui souhaite que du bien avec ça. Voilà, c'est tout. Eh bien, écoute, on va s'amuser avec toujours les 10 questions. Oui, mais bien sûr. Oui. Il n'y a rien de modifié, c'est toujours la même structure. Donc, si tu étais un liquide? Du thé au jasmin. T'en bois souvent ou... Ouais. Pourquoi trouvé ça te calme ou... Non, ça m'excite. Ça t'excite? Ben ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté astringent, tonique, que j'aime bien. Mieux que le café? Plus léger, mais c'est-à-dire c'est plus léger, c'est plus fin. Mais oui, quand même. Parce que moi, je dose bien, tu vois. Je le fais trop fort. Tout le monde me dit que je le fais trop fort, je sais. Mais c'est ça que tu veux. Ouais. Si tu étais... Eh ben, fais... Hey, on voit que ça travaille beaucoup, hein? Ah ouais? Non, j'en ai d'autres, mais j'aime ça. Parce que j'aime le vécu des feuilles. Si tu étais une ville... Une ville? Ouais, mais toujours pareil. Là, je suis désolé avec mes Kyoto. Hein. Ouais. Mais bon... Est-ce que tu y retournes souvent? Bon, là, ça fait 3 ans que je suis pas allé. Ça me manque. Je l'ai un peu en moi. Ouais. Et puis, j'ai eu la... L'an dernier... Pour des raisons matérielles, j'ai été amené à louer un peu mon appartement et à faire un circuit de chambre d'amis. Okay. Ce qui m'a amené à vivre pendant des petits laps de temps, mais à vivre vraiment dans des villes où je n'avais pas vraiment, où je n'avais fait que passer, comme Taipei, Amsterdam et Lausanne. Ah oui, Lausanne, ben oui, on devait se rencontrer, tu étais à Lausanne. Et. En fait, ça a été très très agréable et très enrichissant. C'est parti d'une nécessité, mais finalement ça a été chouette, tu vois. Et j'ai vraiment... je me suis dit, ça, ce qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit, tiens, en fait, il y a quand même un certain nombre de villes où je peux avoir du plaisir, où je peux avoir des sensations de nouveauté, de agréable, comme ça et tout. Amsterdam, c'était chouette, vraiment. Et puis j'ai rencontré des gens très facilement, une bande de musiciens là, avec Marnix, tout ça, c'était très sympa. J'adore Lausanne, Suisse, c'est un endroit que j'ai adoré. Mais il y a longtemps que je suis allé, 89, là, quand même. Ah oui. Si tu étais une langue... Une langue... ouais, ben... Il y a des chances que ce soit le japonais. Parce que j'aime bien, il y a un niveau où c'est simple et un niveau où c'est complexe. Okay. Tu vois, il y a un niveau simple, c'est l'oral. C'est-à-dire qu'à l'oral, c'est pas une langue avec des tons comme le chinois ou le vietnamien. Donc parler, faire des phrases comme ça qu'on peut répéter, c'est relativement simple. Mais le niveau de complexité, c'est l'écriture. L'écriture qui intègre les caractères chinois et puis 2 alphabets phonétiques. Tu vois, donc en fait, ouais, tu as 3 choses qui se mélangent pour former l'écriture japonaise. Donc je trouve ça intéressant, ce contraste, avec un langage qui, à l'oral, peut être presque comme un Lego assez coloré, tu vois, un truc comme ça qui est maniable. Mais à l'écrit, tu vois, où tu as un autre. Donc c'est à double fond, comme ça. Là, j'aime bien cette idée. Avoir une chose simple et puis une chose complexe. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est l'histoire d'une vie pour apprendre à écrire. Ah oui, je pense, ouais. Ouais. Est-ce que tu écris un peu le... J'avais pris des cours. À un moment donné, je pouvais écrire des choses simples. Ok. Mais là, aujourd'hui, j'en serais pas capable. Il faudrait que je remonte en selle et que je m'y remette. Mais comme on a juste une vie, on doit prioriser certaines choses. Oui. Et puis, je trouve que ce que ça m'a amené, quand même, c'était intéressant de comprendre comment ça marche. Ah oui, même si je ne le maîtrise pas, mais d'en avoir une vision. Ok, connaître un peu. Voilà. Ta curiosité comme oui. Légendaire. C'est ça. Si tu étais une époque... Je n'ai pas de nostalgie de choses que... d'époque, parce que quand on regarde... Des fois, on peut avoir une certaine vision des années 60 comme un âge d'or dans la musique, mais les droits de la communauté gay ou des choses comme ça, enfin, tu vois, on a quand même fait 2-3 progrès depuis. Hein. Et je préfère aller chez le dentiste en 2019 qu'en 1959 quand même. Hein. Donc, tu vois, il y a des choses où on peut vite oublier les mauvais côtés d'anciennes époques. Et ne garder que finalement la crème, quoi, tu vois, les choses artistiques. Mais n'oublions pas tout ce qu'il y avait derrière, tu vois, de d'étroitesse d'esprit. Donc. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Tous un bruissement d'insectes palpitants dans la nuit. Écrivent un roman, écrivent un rhapsodie. Et ils ignorent tout de notre monde à nous, de nos filles. Suicidaires comme sous autour de l'imbougie. Oui, sans doute nos sens nous cachent l'existence, nous aussi, de créatures immenses, invisibles, infinies. Elles parlent avec des voix que nous n'entendons pas, comme si c'était mieux comme ça, une question de survie. C'était une époque, je dirais, de toute façon, une époque de paix, parce que je... Et déjà, ça limite énormément. Ouais. Ça resserre ouais. énormément. Ouais. Mais même... Non, je vois pas... Ou alors, il faudrait restreindre sur un jour. Voilà, si j'étais un jour, je voudrais que ce soit un jour où j'étais heureux avec un garçon que j'aimais et on était en voyage. Et voilà, donc un jour de déconnexion amoureuse. Voilà, j'ai choisi un jour comme ça. Ok. Si tu étais un mot. Un mot. Alors, j'ai appris un mot japonais cette année, qui est un concept intéressant. Donc, je vais choisir ça. Kintsugi. Ça s'écrit K-I-N-T-S-U-G-I, en transcription en alphabet romain. Kintsugi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand un objet est cassé, le fait de le réparer avec de l'or. Et... La suite dorée, on va dire, on pourrait, si on veut traduire exactement, le suite métallique ou suite dorée. Donc, tu as cassé un vase, tu as cassé un cœur, et tu peux le réparer avec de l'or. Ah oui, oui. C'est beau. Peut-être que ça, si on pouvait rapprocher ce concept-là d'une chose chez nous, ce serait l'alchimie, c'est-à-dire le fait qu'on peut changer le plomb en or, une expérience négative en quelque chose qui, à nos yeux, est valorisé, a de la valeur. Donc le kintsugi japonais, voilà, kintsugi pour cette année. C'est le côté, c'est un peu la version alchimiste de ce que tu viens de dire, c'est ça? C'est-à-dire que il n'y a pas d'équivalent vraiment dans le monde occidental de kintsugi. Okay. Mais symboliquement, ça pourrait se rapprocher oui, de la transmutation du plomb en or. C'est une belle métaphore. Et ils le font vraiment, tu ouais. sais. C'est-à-dire qu'il y a des objets de kintsugi comme ça, voilà, des coupelles, mmh. des vases, des choses qui sont réparées avec de l'or et ça devient merveilleux. Non, mais quand tu commences à mettre ça d'un côté plus... poétique avec le cœur cassé, ben là ça devient une belle métaphore. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va pas se rouler par terre et s'arracher les cheveux et pousser des cris d'orfraie. Mmh. On est bien obligé de continuer, d'essayer de faire le mieux du temps qui nous est imparti, parce que la vie est brève et que, à quoi bon la gâcher ? Effectivement. Si tu étais un aliment. En ce moment, je consomme beaucoup d'avocats et de pamplemousse. Pamplemousse, ouais. Ouais. J'ai une période pamplemousse. Alors pour cette année, disons un pamplemousse. Allez, je trouve que c'est comme manger du soleil. Il y a une plus que l'orange. Plus que l'orange. Ouais, pour moi, ouais. Pourquoi ? Parce que bon, il y en a dans les deux, hein. Ouais. Et dans le citron aussi. Tous les agrumes, c'est des fruits solaires, bien sûr. Mais dans le pamplemousse, en plus, il y a des notes bleutées. Dans le pamplemousse, il y a un peu l'amertume et l'ombre du soleil. Alors que l'orange fait mine de les oublier. Ah oui, oui, oui. Hey, on va parler d'autre chose parce que j'ai une pensée. Tu as écouté le nouvel opus de Bozy, Cheval Fou? Pas encore. Ok. Pas encore. Ah. À cause de certaines turbulences de ma vie familiale récente. Et du coup, qui a occupé beaucoup de temps pendant le mois de juin. Or, il est sorti, je sais, le 14 juin. Ouais. Et donc là, j'ai une pile d'albums et que je veux écouter et que je vais écouter cet été. Okay. Mais je ne voulais pas l'écouter entre deux portes ou entre deux Tu voulais être réceptif. Papiers. Voilà, je vais prendre le temps qu'il faut pour... c'est pareil quand des fois des gens m'envoient des démos ou je ne veux pas le faire comme ça, en vitesse, j'aime pas, je trouve que finalement c'est pas respectueux. Donc j'aime bien me poser, voilà, couper le téléphone et me dire que je rentre dans l'album. Et tu vois, cette disponibilité d'esprit qui je pense est la politesse pour d'un artiste à un autre. Elle a fait une collaboration avec Bertrand Belin. Ah oui, oui, oui, j'ai vu, c'est bien. Que j'ai rencontré à Québec avant de partir. Ouais, j'ai vu. Ouais. Non, mais c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai perdu de vue parce que j'ai été pris, mais c'est pas qu'elle, hein, ça a été un certain nombre de personnes, où j'ai été pris dans un tel bazar de choses à régler qui me dépassaient, qui n'étaient même pas les miennes, mais qui étaient celles de ma famille, de ma mère, de ma grand-mère, de plein de choses, que ça a occupé un espace mental considérable. Et il y a eu une espèce de réduction du temps disponible pour un certain nombre d'amitié, d'amour, de choses. Oui, voilà, j'étais occupé ailleurs, tout simplement. Est-ce que cet événement-là, parce que je suis passé par là aussi, est-ce que cet événement-là t'a fait réfléchir au fait que c'est important aussi de préparer sa sortie? Ben, bien sûr. Bien sûr, ça a été un des grands... Tu sais, en ce moment, il y a l'affaire Vincent Lambert dont on parle en France. C'est un garçon qui est maintenu en vie artificielle depuis des années, et autour de lui il y a un combat entre les gens qui disent il faut le maintenir en vie, les gens qui disent mais c'est de l'acharnement thérapeutique, il n'y a plus de sens. Bon, c'est un débat. Moi, je pense que la seule vraie réponse, c'est la liberté, c'est-à-dire de laisser les gens pouvoir décider. Mais encore faut-il qu'ils prennent des décisions, encore faut-il qu'ils prennent des directives anticipées. Parce que sinon, en fait, ils remettent la décision sur d'autres, ils te remettent le truc dans les pattes, quoi, en fait, ils se déresponsabilisent. Donc il faut prendre des décisions. On est obligé, je pense, c'est une obligation morale. Non, mais toi... En tant qu'être et non pas toi en tant que personne qui doit choisir à la place d'un autre. C'est ça, hein? Alors, il faut signer des papiers, il faut en parler. Si vous. Si on dit rien, peut-être que c'est peut-être un peu tabou, ce genre de choses-là. Malheureusement. Le 9 janvier 2016, je pense que David Bowie a décidé. Oui. Oui. Je pense. Mon opinion, c'est que il a choisi et il a fait de sa sortie. Il a dominé la mort d'une certaine manière en se disant bon. Voilà, il y a un déclin inéluctable, il y a quelque chose qui ne se soigne pas. Je choisis. Je pense qu'il a choisi le jour. Et que c'est une jolie chose à faire. pas dérisoire, c'est pas un truc dérisoire. Il y a un côté. Mais au moins. Il y a de l'esprit. Oui. Il y a une réflexion, mais au moins ne pas laisser ça aux autres, ce côté épineux qui est souffrant. On vit le deuil de la personne, mais on vit aussi le manque de responsabilité qu'elle n'a pas eu. Oui. Non, mais on ne peut pas choisir l'entrée en scène. Par contre, la sortie de scène, effectivement, on n'est pas obligé de créer ou de supporter des souffrances où on se dit, mais à quoi bon, quoi, à quoi bon. Et non, c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé que... moi, je sais que pour moi, oui, je vais laisser des directives anticipées. Voilà. Bien sûr. Est-ce que c'est déjà fait? Non, ça n'est pas encore fait parce que là, vraiment, j'étais occupé ailleurs. Okay. Mais c'est ça qui a été pour toi un déclencheur parce que tu ne l'as pas fait avant. Moi, je ne m'étais pas trop posé les questions avant. Mais c'est en le vivant que là, tu te dis, ah, ben moi, je ne mettrai pas les autres dans ce pétrin-là. Exactement. Voilà. Il faut être confronté à l'événement pour pouvoir réagir au moment. Ah oui, parce qu'il y a, effectivement, quand on grandit, on est immortel. On ne pense pas à ces choses-là. C'est normal, c'est naturel. Mais quand on est confronté à ça, et si on continue à se voiler la face, bon alors là par contre... Il faut être responsable de soi, au maximum. Responsable de ses actes ou de ses omissions, mais on est responsable. Et on est redevable. J'ai beaucoup lu Marc Aurèle ces derniers temps, tu vois, c'est... que je ne connaissais pas du tout avant. On découvre toute la vie. Et les pensées à soi, les pensées à moi-même de Marc Aurèle m'ont pas mal aidé. Parce que je trouve que c'était réconfortant, que ça prenait en compte toutes les difficultés du monde. Ça se place pas sur un... Il n'est pas sur un piédestal ou... Légère, sinon tu vas toujours souffrir. Légère, mieux vaut en sourire. Les lacets défaits, tout l'irréparable et tout l'imparfait, les impondérables, ne leur donne pas plus de temps que ça. Légère, sinon tu peux toujours pleurer. Légère, mieux vaut pardonner. Tous les petits riens, ne pas t'encombrer. Tu les vois de loin, tu passes à côté. Planons au-dessus de nos angles aigus. Légère, sinon tu vas toujours subir. Légère, je veux te le dire. Tout ce qu'on peut dissoudre dans un peu d'humour, dans un dé, un coudre, amitié, amour. Va donc t'acheter de la légèreté. Et sois légère, si légère. Tout ce qu'il peut y avoir de décevant dans la nature humaine, de violent dans la nature humaine. Il dit, bon, en gros, je vais résumer d'une manière très très grossière, mais de quoi sommes-nous responsables finalement? De notre conduite, c'est-à-dire qu'il peut y avoir autour de nous des choses difficiles. On peut être confronté en permanence à des injustices criantes. On peut être trahi, déçu, il peut se passer énormément de choses dans une vie d'homme, de femme, mais notre responsabilité, c'est de ne pas péter les plombs, de garder une ligne de conduite. Voilà. Et c'est la seule chose dont on est responsable, redevable aux yeux du monde, finalement. C'est-à-dire, on peut être presque rendu fou de colère des fois. J'ai de la compassion pour les gens qui commettent des crimes passionnels, tu vois. Aucune compassion pour les vendeurs d'armes et les pollueurs. Mais vraiment, tu vois, je pense qu'ils font des choix conscients, raisonnés, qui sont des choix cyniques et épouvantables. Par contre, j'ai plus de compassion pour les gens qui, à un moment donné, craquent, tu vois, parce qu'une relation les rend fous, les rend dingues. Je me dis, ouais, bon, je peux comprendre, quoi, je peux comprendre. Mais... voilà, ils n'en sont pas moins redevables, responsables de leur conduite. Et c'est ça, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que je fais, voilà, de chaque instant, qu'est-ce que je fais de mon petit, de ma petite rivière musicale, qu'est-ce que je fais de ce qui m'est donné. Et donc, je sais pas, j'ai bien aimé les petits modules comme ça de sa pensée, qui te ramènent un peu à l'essentiel, à dire, bon, bah écoute, voilà, et... tu peux pas tout régler des problèmes du monde, tu peux pas tout aplanir, résoudre, harmoniser. Il y a des trucs dans la vie qui sonnent faux, voilà, ça fait partie du monde. Il y a des trucs qui sonneront toujours faux, qui auront toujours une dissonance terrible. Mais bon, toi, ta conduite, voilà, comment tu es par rapport à ça? Comment tu es face à ça? Est-ce que tu fais juste constater ou bien est-ce que tu essayes de répondre et d'amener autre chose? Est-ce que tu essayes d'amener du sens là où il n'y en a pas toujours? Parfois, la vie est complètement absurde et aléatoire. Mais nous, face à ça, est-ce qu'on essaye d'y amener du sens? On n'est pas obligé d'en rester au constat, de se dire c'est horrible, voilà. Mais nous, qu'est-ce qu'on amène? Bon, à notre échelle, tu vois, en tant que grain de sable, en tant que goutte d'eau, juste ça. Alors ce livre-là... aider à cheminer des moments à travers des moments difficiles, à trouver une forme d'acceptation, ouais. Et de peut-être pas encore de paix, hein. J'irai pas jusque là. Il y a des moments où je ressens encore une forme de colère, violence, il faut, ouais, que je sois honnête, violence. Parce que de colère, okay. J'ai pas de violence tellement, j'ai une violence mentale parfois mais pas physique. J'ai pas eu ça, je crois, dans ma vie, vraiment. J'ai pas eu cette gêne-là dans mon ADN. Mais des fois, une forme de révolte, de colère, oui, bien sûr, qui ne se traduit pas dans la musique, justement parce que j'essaye de la transformer, justement parce que j'essaye de la processer. Et je me dis à quoi ça sert. Il y a déjà énormément de ça dans le monde. Donc il vaut mieux que je rajoute une chanson douce de Paper Moon plutôt qu'une chanson qui traduit la violence des sentiments. Tout est valable, hein. Tout est valable. Simplement, moi, j'ai remarqué, je ne sais pas faire ça, donc voilà, autant aller vers là, processer les choses. Je crois que c'est peut-être ça que j'ai à faire, c'est voilà, prendre les émotions négatives et les transformer d'une certaine manière, filtrer. Et là, comme tu es en processus de guérison... Oh, c'est pas fini, non, alors là... Non, mais c'est ça, tu es en processus de guérison. Ouais, ouais. Après coup... tout ça aura fait que ta vision sera modifiée à cause de ces événements-là. Oui, bien entendu. Mais là, tu ne peux pas vraiment le voir puisque tu es en plein dedans. Oui. Mais oui. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, hein? Comme disait Nietzsche. Oui, sûrement. Ou plus lucide, hein? Ou plus... Ou simplement nous amène vers d'autres mondes. Souvent, c'est étonnant de se dire qu'en fait, on progresse beaucoup avec les rejets. Ouais. Parce que finalement, si j'avais eu la vie que je voulais à 19 ans, est-ce que ça aurait été bien? Il faut se méfier parfois de ce qu'on veut à un instant T, parce qu'à l'instant T2, ça peut être complètement autre chose. Donc, c'est difficile parfois, mais il ne faut pas trop se crisper sur un souhait, un rejet, n'importe quoi. Même sur un succès, il ne faut pas se crisper. Parce que le monde se charge bien vite d'en changer la nature, la couleur, la texture. Voilà. Bon. Mais ouais, moi, ce qui m'a finalement amené le plus loin dans ma vie, c'est des rejets. C'est le fait qu'on ne voulait pas de moi à tel endroit. Et que donc, ça m'a poussé plus loin que je ne pensais. Est-ce qu'à ces moments-là, tu vois tes meilleurs amis ou tu préfères te retirer et... Non, je préfère me retirer. OK. Et parce que, en fait, des fois, plus on parle des choses, plus on y tourne en rond. Oui. Ou plus on s'enlise aussi à force d'en parler. Oui, en tout cas, à chaque fois, on donne, on accorde du temps et de l'énergie mentale. Mm-hmm. On remet des mots toujours sur les mêmes choses. Oui. Donc, ça dépend des circonstances, mais souvent, ouais, je préfère confronter ce que je vis avec un film, avec un livre de photos, avec un roman, avec... Et à l'intérieur de moi, cette œuvre-là va donner des petits coups de marteau, va éroder, va faire une réaction chimique. Le film L'Avenir, par exemple, de Mia Hansen-Love, une jeune réalisatrice d'origine danoise qui vit en France, un film avec Isabelle Huppert et Edith Skob, particulièrement réagi pour moi récemment, parce que ça raconte et tout. Il y a des fois, vraiment, je ressentais, j'avais l'impression que c'était un film sur ma vie par certains aspects. Mais Isabelle Huppert, elle est exceptionnelle. Pendant toute sa carrière, elle s'est mise en jeu, elle s'est reposée des questions. Elle n'a jamais fait des rôles faciles. Oui, depuis La Dentelière, un film des années 80 jusqu'à aujourd'hui, La Pianiste, elle prend toujours des rôles ravagés, complexés. Elle ne se tient pas dans le côté vedettariat. Non, c'est vrai. Elle est complètement... Oui, elle est incroyable. Elle est surprenante. Ben, c'est clair. C'est une grande... Si tu étais une saison, ben, je vais revenir encore sur Isabelle Huppert parce que on peut facilement se laisser aller dans le confort et l'indifférence. Il y a beaucoup de comédiens et comédiennes ne font pas ce genre de rôle-là parce que leur image, mais elle se fout totalement de son image. Elle est là pour progresser et on voit que c'est vraiment c'est des rôles qui la marquent à vie dans chacun de ses films. Oui. Oui. Alors, excuse-moi. Non, mais c'est très. Non, mais je suis d'accord avec ça. Mais... C'est intéressant, enfin... Tu sais, on suit souvent des réalisateurs, mais très peu de comédiens ou de comédiennes. En plus, c'est une femme, donc c'est beaucoup plus fort dû au fait que... l'image d'une femme au cinéma, c'est pas comme l'image d'un homme. Mais elle s'en fout. Elle fonctionne uniquement pour les rôles. Ici, le rôle lui amène quelque chose, elle va accepter. Oui. J'ai l'impression... Enfin, ce serait intéressant de discuter de ça avec elle. Mais j'ai l'impression qu'elle cherche, à travers tous ses rôles d'empoisonneuse, parce qu'il y en a eu beaucoup, quand même, de Violette Nozière, Merci pour le chocolat, tout ça, il y a eu beaucoup de... Elle a souvent versé du rohypnol dans les boissons des gens. Là, Greta, encore. Donc. Ouais. Qu'elle essaye de se débarrasser... à travers tous ses rôles, qu'à chaque fois, elle se lave de ces options-là. C'est-à-dire que finalement, c'est un petit peu comme les musiciens qui font du métal, du hard rock, et qui souvent, après, sont des agneaux, quoi, tu sais. J'ai observé ça. Ils sont souvent super doux et adorables et tout, parce que ça y est, ils ont passé leur nerf quelque part, quoi. Et je pense que quand elle joue deux, trois scènes de démence, là, dans Greta, j'ai trouvé pas mal, quoi, la scène du restaurant, tout ça, je me suis dit, waouh. Et je me suis dit, voilà, elle se débarrasse des choses, là. Et du coup, après, elle, finalement, elle, à chaque fois, elle dégage les placards, tu vois, de sa colère, des choses négatives qu'elle doit ressentir comme tout le monde, ben voilà, voilà, ouf, voilà, c'est débarrassé. Ouais, ouais. Tant de possibilités, tant de vérités, un vion dans ce terminal. Tant de peau encaissée, tant de liberté. Choisir une escale. Question d'instant ou de destin. Oui, mais dis-moi, qui sait ce qu'il en viendra. Question d'instant ou d'un geste. Cette année, parce que ça m'a manqué, je dirais l'été japonais avec ou à Taïwan, enfin l'été en Asie, parce que ce mélange de chaleur et d'humidité me manque. Beaucoup d'Européens trouvent ça difficile à supporter et moi j'adore. Moi j'essaie d'y retourner maison, quoi. J'ai passé plusieurs étés, des fois en Corée aussi. Et cette pesanteur humide de l'air dans laquelle on avance comme dans une matière, comme ça, ou en Indonésie aussi, j'adore. À Québec, c'est comme ça, hein? C'est humide aussi, très l'été? Humide. Ah, je savais pas, très l'été. Lourd, ouais, très d'accord. Lourd. Ah, ouais, très lourd. La peau, on sent que l'humidité colle. C'est... Ah oui? Ah, c'est fou. L'hiver aussi, hein? Ah, c'est vrai? L'hiver, c'est très humide. Ah, je ne me rendais pas compte. Très humide. Moi, une fois, j'étais venu à Montréal, ça devait être en novembre. Et c'est plus froid à Québec qu'à Montréal. Ah, il y a oui. quand même un 5-6 degrés de chaleur. D'accord. Ils ont moins de neige, c'est moins froid. Nous, c'est plus froid, plus enneigé. Montréal, c'est quand même... c'est à 2h30, c'est juste à 2h30, mais ils ont moins de réverbération, saisonnier que nous. Ouais. Mais toi, t'es passé là au mois de janvier, Montréal? Non, au mois de janvier, jamais. Quand? Novembre. Novembre? Ah oui, mais c'était au début. Oui. Et plus difficile, en guillemets, c'est janvier-février. Mais je suis venu une fois en février, je crois. Ah, et puis? Ça, c'est tout. Ouais. Tu te rappelles de la froidure, de la météo? Oui, il y avait de la neige et dans une rue du quartier Mont-Royal, j'ai trouvé un petit ange en plastique, une déco de Noël qui avait dû tomber. Un petit ange tout blanc dans la neige toute blanche. Alors c'est un miracle de l'avoir trouvé. Je l'ai toujours dans mon entrée chez moi. Ah, il me protège. Bien. Ah oui, ça vient de Montréal. Hum? Ouais. Si tu étais un membre corporel. Je sais pas. C'est. Je dirais. J'ai plusieurs idées qui me viennent à l'esprit. Je me souviens pas d'avoir déjà répondu à cette question. Là, c'était dans la liste avant. Oui. Ah oui, d'accord. Il y a rien de nouveau. Ah, ok. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Peut-être. Bon, la chose évidente pour un musicien, ce serait de dire l'oreille, quoi, tu sais, mais finalement, ça c'est peut-être un peu galvaudé, convenu, de dire ça. Donc j'essaie de réfléchir plus profondément. Ouais, un organe sensoriel en tout cas. Mais je suis en train de me dire ça pourrait être aussi le sexe. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que en tant que moyen de communiquer des émotions, de partager des émotions avec l'autre d'une manière que le langage ou la peau. Mm-hmm. Tu vois, voilà, oui, la peau. Ouais, parce que. Oui. Comme point de contact avec le monde extérieur et qui donc inclut aussi le sexe. Mm-hmm. Mais. Oui. Restons sur la peau, c'est la pas peau. Mal. Okay. Si tu étais. Si tu étais un moment de la journée. Oui, eh bien, j'aime beaucoup la lumière de fin d'après-midi, avant le coucher du soleil, quand ça devient un peu cuivré, un peu rouge-orangé, ou rose. Les gens commencent à s'apaiser un petit peu, ou alors ils vont prendre un verre en terrasse, ou alors, en tout cas, c'est il y a un sens de... L'abandon. Ouais, de le repos du soir qui arrive bientôt, le fait de sortir du monde de l'entreprise pour la plupart des gens. J'aime bien. Ou alors l'aube, voilà, l'aube ou le crépuscule du soir. Mais, ce sont des moments où la lumière est assez belle quand même. Oui, hein. Oui. Si tu étais un autre individu. Eh bien. Je ne sais pas du tout. Qui je voudrais être si j'étais un autre individu. Je trouve que j'aimerais bien peut-être Ryuichi Sakamoto, parce que je suis très admiratif de son parcours, de son travail. Du résultat. Je vois que c'est un homme qui a eu aussi une certaine action sociale, ouais. Qui a mis au point une fondation pour des œuvres sur un fonds culturel, donc destiné à la Corée. Or, on le sait, le Japon a quand même une grande dette à la Corée, à cause des horreurs qui ont été perpétrées pendant la guerre, la colonisation. Bon. Donc, ils ne sont pas très courants, quoi. Il y a des Japonais qui font un peu l'autruche, d'autres qui au contraire, comme lui, ont une démarche. Donc, je trouve ça assez joli. Et puis, j'aime sa musique, quoi, tout simplement. Donc, il a finement progressé. Il a vraiment, quand tu écoutes ses débuts jusqu'à aujourd'hui, il y a comme. Oui, oui. Mais il y a toujours le fil conducteur de. Il n'y a pas de trahison. Il y a l'électronique, ouais. Il y a des albums comme The End of Asia avec des musiciens, avec des instruments médiévaux. Ouais. Des musiques de films comme ça avec le côté un peu grandiose. On voit qu'il est toujours à la recherche de... Des choses, oui. Il n'est pas dans la, du côté confortable oui, voilà. De la création. Et puis une élégance aussi de ses choix en général. Il a aussi le goût visuel qui va avec sa musique. Ouais, ouais. Il est rendu à quel âge ce monsieur-là? Il doit être né en 53 par là, non? Okay. Attends. Ouais, ouais, ça doit être 65 ça. À peu près. 65. Ouais, oui, voilà. Moi, je le mettais plutôt dans les 70-71. Oui. Oui, c'est un des premiers CD que j'ai acheté quand j'ai eu un petit peu de sous et puis une platine CD à l'époque, bah, c'était un album de lui. Je ne connaissais pas du tout, mais okay. J'étais comme ça attiré. Ça me parlait déjà, tu vois, ce genre de monde. J'avais une attraction et j'ai acheté l'album Illustrated Musical Encyclopedia et que j'ai toujours et que j'écoute de temps en temps. C'est finalement qui n'est pas d'ailleurs mon préféré de lui, mais on s'en fout. Et de toute façon, c'était le premier et ça reste marquant. Ouais, ben oui, ben oui. Voilà, donc ouais, Sakamoto, ce serait extraordinaire. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'a pas commis de crime et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez élégant dans sa façon d'avancer. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Et là, on est peut-être dans un moment... Non. Okay. Mais vraiment pas. Et il y a plein de choses où je voudrais... Les gens qui disent qu'ils n'ont aucun regret et qu'ils feraient tout pareil, j'ai envie de leur dire, mais alors vous n'avez rien appris? Moi, ça m'étonne, ça. Moi, j'ai fait de mon mieux à chaque étape. Mais non, avec le recul du temps, je sais comment, si je pouvais revenir en arrière, je sais ce que je pourrais améliorer. Et si je pouvais, effectivement, ouais, je le ferais. Et d'ailleurs, j'ai envie de reprendre, sur le simple plan musical, de reprendre des vieux enregistrements de manière à les upgrader subtilement. Il ne s'agit pas de tout changer, mais tu vois, de me dire, ouais, je peux amener ça à une étape de maturation un petit peu... Ne serait-ce que le mastering, des fois, tu vois. Donc, ah, ouais. Non, je pense qu'il y a des leçons à prendre. Et j'espère en avoir intégré certaines, au moins. Et donc, non, il y a des choses que je ferais différemment. Il y a des moments où j'ai perdu du temps. Il y a des moments où j'aurais pu aborder plus vite moi-même la production musicale. Je m'en faisais une montagne et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui. Mais c'est pas... Oui, mais avec le recul, mais quand tu es face à l'événement, c'est certain que tu ne peux pas avoir... Il y a des choses que je referais différemment, plein, ouais. Plein. Je pense que souvent, en fait, ouais, c'est ça, c'est des moments où j'ai perdu du temps, je dirais, par anticipation d'un truc, alors que finalement, c'était pas si grave ou pas si énorme que ça. Thank you. C'est-à-dire, voilà, je m'encouragerais à aller plus de l'avant, à être plus confiant, à être plus... Quand je vois maintenant des photos de moi à 20 ans, et je me dis, mais quand même, j'étais incroyablement timide, c'est-à-dire que j'étais vraiment pas du tout sûr de moi à aucun niveau. Et je dis, mais t'étais un petit peu con quand même, parce que il n'y avait pas de quoi, tu vois. J'étais tellement timide, des fois je n'osais pas passer devant des terrasses de café parce que j'avais l'impression que le regard des gens était pesant. Ce qui était vraiment purement dans ma tête, tu vois. Je me dis, mais n'importe quoi. Mais c'était à ce moment-là, ouais, non, je me dis, bah, je devrais être plus à l'aise avec les choses, plus à l'aise avec ma tête, avec mon corps, avec, c'était pas si mal que ça, voilà, bon, ok, ça passait très bien. Pas à l'aise, hein. Mais est-ce que ça prend des années pour en arriver à ça? Parce que tu peux pas, quand t'es, comme je te disais tout à l'heure, dans le feu roulant ou dans l'action, tu peux pas voir ça. C'est avec le recul. C'est avec le recul, mais je crois justement que ce recul... il y aurait eu peut-être des moyens de l'atteindre plus vite. Oui. De pas que ça prenne pas forcément 20 ans, mm-hmm. quoi, tu vois. Mm. De pas se dire, mais c'est pas grave, tout ça n'est pas grave. Les vrais problèmes sont au Yémen. Mais voilà, s'il y a un truc quand même qui peut être utile, c'est de gagner en confiance sur nos capacités, de pas forcément se dire qu'on doit se reposer sur un producteur, qu'on doit attendre une chose, une autre, un élément. Non, on peut créer plus de choses qu'on ne pense. Enfin, moi, j'étais un peu comme ça, j'étais pas du genre à partir gagnant sur tout le temps dès le début. Et donc... ouais, ça m'a pris quand même vachement de temps pour prendre confiance dans mes capacités à créer un truc. Ça, c'est étrange, avec le recul du temps, quand même. J'ai mis du temps, vraiment. Ouais. Voilà, non, j'aurais pu aller plus vite. Allez, j'aurais pu aller un tout petit peu plus vite. Ouais. Mais peut-être que c'est dans ta façon de créer aussi, la lenteur. Ça doit prendre le temps que ça prend. On ne doit pas non plus précipiter. Oui, mais je... Et c'est peut-être la vie aussi qui t'a fait voir... C'est les croisements entre les amis, entre la vie privée, la vie amoureuse, la vie familiale, la vie artistique. C'est peut-être tout ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as cheminé tout ça. Oui, non, mais c'est vrai. Mais disons qu'il y a des gens qui, à 20 ans, ou plus jeunes que moi, en tout cas, ont un esprit plus dégagé. Okay. Tu vois, où ils ont plus devant eux une autoroute ou une route qui est la leur, mais où ils se sentent relativement en possession de leur capacité, okay. plus tôt, plus jeune dans leur vie. Non, moi c'est arrivé plus tardivement parce que je pense que j'étais un peu encombré de certains complexes, de certaines choses, d'héritages familiaux, de machin. J'étais un peu... encombré, tu vois, de sacs qui finalement étaient plus ou moins les miens, mais que j'avais, voilà, qui était une relative pesanteur. Je pense que ça aurait pu aller éventuellement un petit peu plus vite. Quand même, non, c'est vrai, si on regarde en arrière, non, on va pas faire tous les choix de la même manière, non, non. Il y a des moments où je me dis, je me suis mis à feu et à sang. Sur des relations amoureuses ou avec le recul du temps, je me dis, bah non, c'était vraiment pas la peine. Ouais. Cette personne n'était... il y a des gens, bon, des fois quand on est amoureux, on les met sur un piédestal, on imagine que c'est la chose de notre vie, de notre truc et tout. Bon, après coup, tu vois, on relativise. Non, j'ai pas de monnaie, monsieur. Et... Non, non, on a tous vécu ça quand même. On peut s'épargner des souffrances, s'épargner de perdre du temps avec des fois des choses dont sur le moment on surestime l'importance. On a tous vécu ça, non? Tu l'as vécu aussi. Bon. Donc peut-être que effectivement ça fait partie d'un chemin qu'on est obligé d'en passer par là. Mais juste. Gagner du temps, ne pas mariner pendant 8 mois, tu vois. Ah oui, pendant ce temps-là, la vie passe et plein d'autres choses. Donc, on passe à côté. Essayez, tu vois, essayez de se pousser un petit peu. Puis même si on se trompe, c'est pas grave, on recommence. Voilà. On prend un autre chemin. Et ne pas rester stagné, mariné comme ça sur des choses pendant trop longtemps. Voilà, il faut se faire un tout petit peu violent sur certaines choses pour avancer, pour être. Parce que l'horloge tourne, quoi. Oui. Donc allons-y. Mais on s'en rend compte quand les autres nous quittent aussi que l'horloge tourne. Quand on voit la mort de près ou on voit les autres mourir, mais là on se dit, ben il faut que je fasse quelque chose, moi. Ah oui, c'est un rappel. Oui, exactement. Ça nous ramène à nous. Au cas où on l'aurait perdu de vue, là, oui. Exactement. La mort des autres nous ramène à notre propre mort. Ben oui. Et les réflexions qui en suivent aussi. Et Pierre, merci. Oh, mais merci à toi. C'était toujours, c'est toujours exceptionnel. C'est bon, arrête. Oui, c'est toujours intimiste. C'est toujours, on va toujours au fond des choses. Ben oui, après j'espère qu'on remonte aussi. Ah, ben on remonte à la surface. Ben oui, on s'oxygène. Ne t'en fais pas, c'est la musique qui nous oxygène. Mais oui, il faut rester quand même léger, drôle. Oui, et, c'est bien. On a besoin des deux. On a besoin des choses profondes et puis des choses très légères et superficielles. On a besoin de tout. Soyons désinvoltes, comme disait un certain groupe. Ouais. Des fois, c'est bien de. Tu as goûté les glaces là qui sont une glace à Paris là un peu plus loin. Oui. Elles sont super bonnes. Oui, exactement. J'ai essayé celle au yaourt. Ouais, bon, mais au fromage aussi. Oui, putain. Oui. Qu'est-ce que j'ai. J'en ai même amené une à la jeune fille qui travaille à l'auberge de jeunesse. Ah ouais. Il y en a une. Oh, qu'est-ce que j'ai bien aimé. Là, j'ai bien aimé. Il y en a une à la lavande, tu vois, parce que c'est inattendu pour les Français en général, parce qu'on a l'image Haute-Cologne, parfum, ça. Mais justement, au Japon, ils utilisent la lavande dans des choses, genre ils vont faire un macaron ou ils vont faire des cookies avec. Tu vois, ils l'utilisent, ils n'ont pas la même image que nous. Et donc, moi j'ai bien aimé leur. J'ai réagi quand je suis allé il y a 4 ans, parce que je l'ai découvert il y a 4 ans, avec leur petit mot qui. Nous, chez nous, on dit de la garniture. Voulez-vous de la garniture? Eux autres, eux en anglais, ils ont utilisé quoi comme terme? Toppings, à tous les coups. C'est épouvantable. Ouais, j'aime pas trop. C'est beau garniture, de la garniture. Oui, ou il y a plein d'autres mots pour. Et la jeune fille m'a demandé ce que vous voulez dire. Là, j'ai dit non, je prendrai pas de garniture. Oui. Bah, c'est bien. Voilà. Ouais, ouais. Non, il y a des moments où c'est. Topping, c'est pour. Ça, c'est pas. Ouais, bon. Il y a des anglicismes, des fois, que j'aime bien. Parce que j'aime bien pour la sonorité, pour. Mais garniture, c'est beau. C'est pas mal. Mais regarde, tu vois, il y a des fois des mots qui, dans la langue originelle, ont vraiment. On peut pas. Qu'est-ce que. Tout à l'heure, je te citais Kintsugi. Oui. Qu'est-ce que je vais mettre ça en français? Tu vois, c'est un concept japonais. Je trouve que le mot a sa musicalité, est beau comme ça. Je ne verrais pas l'intérêt d'essayer de le forcer, une francisation forcée, quoi, tu vois, ce serait. Dénaturer la chose. Donc ça dépend des mots. Puis tu les peut-être aussi la traduire rendrait pas justice au terme. Tu vois par exemple un drive-in. Ben pour moi c'est un concept terriblement américain, terriblement états-unien. Comme on pense tout de suite à la dictature de la voiture telle qu'elle se pratique aux États-Unis avec les autoroutes, les McDo, les machins et tout. Donc pour moi un drive-in c'est un truc américain. Je le vois comme une chose de culture états-unienne. Alors, j'ai plus envie de le dire en anglais. Pour moi, c'est ça la réalité de la chose. Alors qu'effectivement, toppings, oui, non, ça ne me paraît pas. Mais on a la même sensibilité là-dessus. Ben, Pierre, c'est toujours un régal de se rencontrer, c'est toujours un plaisir. Moi aussi, tu sais bien. Et ouais, et ça me fait plaisir. Aussi, ce qui me plaît, c'est de faire des coucous au téléphone à des moments inopportuns. Ouais, je suis désolé d'avoir oublié cette histoire de pochette. Mais c'est pas ça. C'était juste le fait de te dire un salut, de dire que je pensais à tes œuvres, je pensais aussi à. C'est gentil. Et tu sais, quand tu fais de la musique, faut jamais oublier qu'il y a des gens qui t'écoutent, même si c'est. Mais c'est vrai. C'est vrai. Des fois, je vois qu'il y a les plays sur Spotify qui. J'ai vu ça, là. J'ai vu des. Ah oui, mais tu fais Pierre Fort, puis on a une liste. Hein. Oui. Et je me suis dit, ah tiens, c'est amusant, là, il y a cette chanson-là. J'ai vu Statue qui danse, j'ai vu que c'était la plus jouée du deuxième. Je me suis dit, ah tiens, c'est celle-là, c'est marrant. Tu vois. J'aime bien regarder. Ça m'arrive de le regarder, ça, de temps en temps, pour voir celles qui sont plus ou moins écoutées. Je trouve ça intéressant. Ouais. Et Et sur les autres, Paper Moon aussi, tout ça, je regarde, ouais, c'est vrai ça. Parce que là, je trouve qu'il y a une vérité, il y a une réalité de voilà, ce que les gens ont le plus écouté. Alors évidemment, les choses qui sont sorties depuis plus longtemps, ouais, l'addition c'est, est... C'est ça, ouais. Ben, on va se rencontrer dans les prochaines années. Si l'année prochaine, on se revoit l'année prochaine. Oui, j'aurai sûrement 3-4 nouveaux albums. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Une compile, la compile. Mais, un coffret. Mais, un coffret, oui, le coffret Pierre Fort, oui. Mais on ne sait jamais parce que tu es très nomade aussi. Donc, c'est vrai. Qui sait l'an prochain? Mais j'espère être là quand tu passeras. Au jour le jour, on verra. Mais pour le moment, on est ici et on se reverra quand on pourra. Oui. Merci Pierre. Ben, merci à toi. À la voyure. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.